Quand j'étais enfant, je n'arrêtais pas de jouer à des jeux avec mes amis, au point que j'en perdais la notion du temps. J'avais tellement envie de retrouver ces émotions. Ce ne sont pas des sensations qu'on peut ressentir lorsqu'on est spectateur. Tu n'es seul, ensuite tu connais dehors, c'est Squid Game, l'ami. Apprends à marcher, vise l'anarchie, tout s'enchaîne, un rideau. Passe, tout passe, cool, toi regarder dans une glace, y'a pas de trace, fou, les gens t'agressent, c'est snap. Et tape des bases, c'est ça, tu te fais inviter sur les plateaux par des ânes. Le monde carcéral, il est assez grave. T'as pas les armes ni les actes pour faire du tard, c'est dingue. Même le guetteur touche un billet, l'amour est déshabillé, tout le monde cherche à briller. C'est la bagarre des bars, metteur en scène s'est mis à vriller, la destin est éparpillé, le peuple s'est mis à crier. Faut des armes, à grande vitesse, tout le monde devient bondi. J'ai vu les petites vingtaines, comment ils ont grandi. À grande vitesse, tout le monde devient bondi. J'ai vu les petites là, comment ils ont grandi. T'as vu ici, t'as vu ici. Le diable nous charme sous sa mélodie. T'as vu ici, le monde entier est devenu maudit. T'as vu ici, et pas que Zemmour et pas que Lopir. Lopir, Lopir. Je recroise le gros un test dans le gouffre. Je me revois genou un hess dans le zoo. Ils se demandent ce qu'on est devenu, se prend sur des rappeurs nus. Je connais la fin de leur film, là où ils vont on en est revenu. On va t'apprendre la force tranquille gamin. Commence par regarder dans les yeux quand tu me serres la main. Cherche pas à faire l'ancien, je m'en branle. Je me suis fait tout petit pour faire les choses en grand. Tu me parles de Ligue 1, je fais que des matchs de gala. Pas musicien mais à la fin du bal fou me khalas. J'ai fait ton plan, jamais su jouer de flûte. Des aides sans gain, se mélange pas avec des piutes. Ils m'inventent une vie mais je m'invente pas une répute. Avec ou sans ta sécu, tu te fracasses le cul. La hagra c'est banal chez trop de gens. Le drama, le karma t'as c'est violent. T'as vu ici, t'as vu ici. Le diable nous charme sous sa mélodie. T'as vu ici, le monde entier est devenu maudit. T'as vu ici, et pas que Zemmour et pas que Lopir. Période de foulet qu'il apprécie. Aujourd'hui tu trouves des cadavres dans la Tessie. Y'a des reportages d'un malade de l'agressivité. Jette année sa prophétie. Période de foulet qu'il apprécie. Aujourd'hui tu trouves des cadavres dans la Tessie. Y'a des reportages d'un malade de l'agressivité. Jette année sa prophétie. T'as vu ici, t'as vu ici. Le diable nous charme sous sa mélodie. T'as vu ici, le monde entier est devenu. On dirait bien que la chance t'a quitté. Est-ce que tu as toujours autant foi en l'être humain ?